بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد dans ces jours dans la première quinzaine du mois de Shawwal de l'année 1438 après l'hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous venons d'écouter le cours dispensé par notre cheikh Abu Mu'ad Hassan al-Miradawi Hafidahullah Ta'ala, qui avait pour titre le retour aux savants, fait partie des objectifs de la législation islamique. Et comme à notre habitude, nous allons faire une brève présentation de ce cheikh que nous avons appelé aujourd'hui, qui est Cheikh Hassan al-Miradawi, qui est irakien d'origine et qui vit au jour d'aujourd'hui en Jordanie, dans la ville de Amman, qui est la capitale de la Jordanie. Et toujours sur cette parole qui a été prononcée par plusieurs parmi les salaf salih, radhiyallahu alayhim, إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous la prenez. Cette parole qui fait rapporter de Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, et autre que lui. Et toujours sur cette base, nous appliquons au début de chaque essai de traduction à faire une brève présentation du cheikh que nous appelons et qui nous dispense le cours. Aujourd'hui, notre cheikh que nous avons eu, il s'appelle Hassan al-Miradawi Abu Mu'ad et il est, comme je l'ai cité, irakien de nationalité. Il est aujourd'hui en Jordanie pour des raisons qui lui sont personnelles. Et il fait partie des mashayikhs de Jordanie. Donc nous l'appelons aujourd'hui comme en tant que un de nos mashayikhs salafis de Jordanie. Jordanie, qui est un pays où il y a très peu de mashayikhs salafis au jour d'aujourd'hui. C'est un pays qui a été dévasté par les shubuhat de grands innovateurs de ce siècle qui sont Ali Hassan Al-Halabi et sa secte. Parmi eux, Meshour Salman, Hussein Al-Uraisha, Ahmed Khashab, Abu Yusuf, Mohamed Moussa Nasser, Al-Muqri, Slim Al-Hilali, même si ce dernier récemment s'est désavoué de cela. Et donc tous ceux-là, qui sont des personnes qui sont connues, certains d'entre eux sont même venus ici en France, parfois certains d'entre eux plusieurs fois, comme par exemple Abu Yusuf, Ahmed Khashab, Al-Misri, qui est venu plusieurs fois ici en France, qui a donné des cours, surtout ici en région parisienne. Aussi Hussein Al-Uraisha, qui est venu il y a à peu près 3 ans ou 4 ans, ou peut-être même un peu plus que cela. Et ce sont des grands innovateurs qui suivent cette personne qui est Ali al-Halabi, qui est quelqu'un de très dangereux, qui a rentré beaucoup de règles innovées, qui a essayé de rentrer beaucoup de règles innovées dans le manhaj salafi, qui font partie des suiveurs de Abu al-Hassan al-Ma'ribi, Mustafa ibn Ismail al-Sulaymani al-Misri, aussi parmi les suiveurs de Adnan Arour, le Syrien. Et ce sont des gens très dangereux. Et si vous revenez sur certains des cours qui ont été donnés par le passé, sur le site Ahl al-Dhikr, vous trouverez des explications sur les innovations et les règles innovées qu'ils ont rappelées et qu'ils ont ramené, qu'ils ont essayé de rentrer dans le manhaj salafi. Parmi cela, un cours qui a été dispensé justement par notre cheikh Hassan, El-Merdawi il y a 4 ans de cela. Ou il y a 3 ans de cela, en 1435. Donc voilà, il y a 4 ans maintenant. Et cette personne, Cheikh Hassan, Hafidahullah Ta'ala, fait partie, donc nous l'appelons comme un des mashayikhs de Jordanie. Et comme je l'ai dit, les mashayikhs de Jordanie sont, les mashayikhs salafis en Jordanie sont peu. Parmi eux, nous pouvons compter notre Cheikh Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, Abu al-Hassan, Hafidahullah Ta'ala. Qui ne nous a pas été possible d'avoir depuis quelques années, du fait de ses occupations, aussi sa maladie, Shafa'ahullah, qui fait partie de la tête des salafis en Jordanie. Et cette parole, nous la disons en nous appuyant sur la parole de Al-Sheikh Al-Allam Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, Hafidahullah Ta'ala wa Matta'abihi. Qui l'a prononcé en disant que Ali Hassan, astaghfirullah, Ali ibn Mukhtar al-Ramli fait partie de la tête des salafis ou le pilier des salafis plutôt en Jordanie. Et notre cheikh Hassan al-Mirdawi est là-bas dans la ville de Amman, la capitale de la Jordanie, et notre cheikh Obeid ibn Abdullah al-Jabiri. Hafidahullah Ta'ala, ce grand savant de la ville de Médine, avait conseillé dans un voyage il y a à peu près 2 ans, le Cheikh Ali al-Ramli, de prendre contact avec le Cheikh Hassan al-Mirdawi afin de se visiter les uns les autres et d'être en contact les uns les autres. Et comme cela, notre shir, Abu Mu'adh, que nous appelons aujourd'hui, quelqu'un qui a étudié chez les savants de la ville de Médine, qui a étudié aussi en Irak avant cela, et chez les savants de la ville de Médine, comme Cheikh Obeid, qui le connaît très bien, Cheikh Mohamed Ben Hadi, Al-Matr Ali Hafidahullah, Al-Allama Abu Anas, aussi chez Al-Allama Al-Imam, Rabi Ibn Hadi, Al-Matr Ali et autres que eux, Hafidahumullah, pendant des voyages répétitifs vers le Mamlaka al-Arabiya al-Saoudia, Bilad al-Tawhid wa Sunnah, Harasahullah. Et donc notre Cheikh Abu Mu'ad, nous trouvons de lui qu'il est connu auprès de ses savants, Cheikh Rabir, Cheikh Mohamed Ben Hadi, Cheikh Obeid, qui le recommande. Et parmi ses recommandations, la recommandation de Cheikh Obeid, qui lui recommande d'enseigner à ses frères et de retransmettre ce qu'il a appris. Et notre Shir est quelqu'un de très humble, qu'il n'aime pas se mettre en avant, d'ailleurs, comme tous les ans. Avant le cours, il m'a demandé de ne pas avancer son nom avant donc le fait de rappeler son nom avec le mot Cheikh ou le mot Alim ou autre que ce soit. Donc il désire simplement que nous disions le frère Hassan al-Mirdawi. Cela fait partie de son humilité et nous, alhamdoulilah, par respect pour lui, nous disons Cheikh Hassan al-Mirdawi, qui est quelqu'un qui donne à ses frères, qui retransmet à ses frères, qui est un grand étudiant en sciences, Hafidahullah Ta'ala. Donc ce cours qui a été dispensé aujourd'hui avait pour thème le retour aux gens de science. Le fait de revenir vers les gens de science fait partie des objectifs de la législation islamique. Après l'introduction, notre cheikh nous dit qu'il commence par nous enjoindre à la crainte révérentielle, la piété, ce qui est traduit communément pour ceci ou comme cela, chose que, comme on a l'habitude depuis des années de faire, de laisser ces mots-là comme ils sont en arabe, car ils ont beaucoup de sens, c'est-à-dire « at-taqwa ». « At-taqwa », il nous enjoint à « taqwa », qui est traduit parfois comme la crainte révérentielle, parfois comme la piété, Donc, on va laisser ce mot comme il est, At-Taqwa. Le cheikh nous enjoint à cela et il nous dit que cette recommandation, cette bonne recommandation que nous entendons régulièrement, il ne se passe pas une semaine sans que nous entendions nos savants faire cette recommandation, mais cette recommandation, il nous convient de l'appliquer dans nos vies et de la retranscrire à nos propres personnes. Et il nous conseille de ne pas nous faire tromper par les éloges des gens pour nous, pour nos propres personnes, car l'homme est plus savant de lui-même. Il est clairvoyant sur son être, sur sa propre personne, sur l'état de sa propre personne. Il nous dit, Hafidhahullah Ta'ala, c'est pour cela que je me conseille moi-même ainsi que vous, At-Taqwa, ce qui est traduit communément comme la crainte révérentielle, la piété. At-Taqwa, dans les actes apparents, comme les actes cachés. Ensuite, il nous enjoint à être du nombre des véridiques avec Allah, tabaraka wa ta'ala, et d'être sincère envers lui, azza wa jalla, et particulièrement, pour ce conseil, il le fait particulièrement pour ceux qui ont employé leur propre personne, qui ont employé leur vie à appeler à Allah tabaraka wa ta'ala, car da'wa, c'est-à-dire l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala le fesh, a besoin de véracité avec Allah, d'être véridique envers Allah et d'être sincère envers lui azza wa jalla. Et il nous met en garde contre le fait que la personne qui fait cet appel désire par cet appel à Allah, par cette da'wah, être reconnu des gens. Il nous dit car il se peut que Shaytan, la'natullahi alayhi, rentre par cette porte et qu'à ce moment-là, il fasse périr et rendre les œuvres du prêcheur caduques. Le chef nous enjoint d'avoir peur pour nous-mêmes de tomber dans l'hypocrisie. Il nous enjoint d'accuser toujours nos propres personnes et de se remettre en compte, de se remettre en cause. Et il nous dit, Hafidhahu Allah, prends garde, ô toi l'étudiant en science, ô toi le da'i, celui qui appelle à Allah, Jalla wa Ala, de penser que tu es devenu quelqu'un. Prends garde de ne pas tomber dans l'hypocrisie et dans l'amour du paraître, ainsi dans l'ostentation. Le chef de nous dire, ô vous mes frères, vous savez peut-être par des messages, par ce que vous avez pu voir même sur internet, par ce que vous avez pu lire dans des livres, que cette da'wah, la da'wah salafiyya, c'est la da'wah, l'appel de vérité. Et c'est une da'wah de miséricorde. Et que cette da'wah s'est répandue, vous savez peut-être que cette da'wah s'est répandue dans beaucoup des pays du monde. Et qu'il y a beaucoup de personnes dans ces pays qui appellent à Allah et qui appellent au manhaj, à ce manhaj, le manhaj salafi, qui est l'islam véritable, l'islam selon le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après la compréhension de nos pieux prédécesseurs, Ridwanullahi alayhim. Il y a beaucoup de gens dans beaucoup de pays qui appellent à cela et qui enseignent aux gens le tawhid, l'unicité d'Allah Azzawajal, ainsi la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, même si certains d'entre eux ne sont pas connus, et le cheikh de nous dire que ce n'est pas toute personne qui est connue qui est ancrée dans la science. Ce n'est pas toute personne qui sera connue qui sera du nombre de ceux qui sont ancrés dans la science. Et ce n'est pas toute personne qui sera connue aussi qui œuvrera selon la science qu'il aura appris. Mais le cheikh nous dit, Walillahi alhamdu, que il y a beaucoup de bien dans ceux qui prêchent ce manhaj dans les pays du monde entier. Ensuite, le cheikh nous dit que certains, donc en parlant de nous, ici ce cours qui était destiné aux frères de France, donc certains de ses frères lui ont demandé, parmi Tullab al-Ilm, lui ont demandé un conseil à propos d'un sujet, ou qui traite d'un sujet très important. Et ce sujet est l'importance du retour vers les savants. Et le shir, toujours, par grande humilité de sa part, comme on a l'habitude avec lui, il dit car ils ont une bonne pensée sur leur frère. Ils m'ont demandé cela, car ils ont eu une bonne pensée sur leur frère. Le shir de nous dire que la miséricorde d'Allah, ou que Allah Azzawajal, dans sa grande miséricorde, tabaraka wa ta'ala, pour cette communauté, il leur a accordé des savants, ou il l'a fait dans cette communauté des savants, qui sont des savants qui défendent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui défendent cette sunna, et qui repoussent d'elle les erreurs et le faux de ceux qui essayent d'y rentrer, ceux qui essayent de rentrer dans cette sunna, des faussetés, des choses qui n'en font pas partie. Et le shir doit nous dire que s'il n'y avait pas ces savants, chacun pourrait dire ce qu'il veut à propos de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le shir doit nous dire et de louer Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a fait comme le dit l'imam Ahmed. Cette parole vous la trouvez dans l'introduction de son livre Ar-Radd 'ala Az-Zanadiqa, où il dit, yarhamukallah, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, il loue Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a fait que pendant chaque période où il n'y avait pas de messagers, un reste des gens de science, qu'il a fait qu'il resterait des gens de science qui défendraient la sunna, qui défendraient sa religion, dans le sens approximatif de ses paroles de l'imam Ahmed rahmahullahu ta'ala. Et Allah, dans sa grande miséricorde, a fait que il y aura toujours un groupe de gens qui suivront ce manhaj, le manhaj des pieux prédécesseurs, radhiyallahu anhum. Il nous dit que ces savants sont, que ces gens sont les savants, ceux que Allah Azza wa Jalla a élevés par la science et qu'il a embelli par la sagesse, par la douceur, comme l'a rappelé l'imam Al-Ajurri dans son livre Akhlaq Al-Ulama. Le cheikh de nous dire, ô vous mes frères, sachez que le fait de revenir vers les savants fait partie des causes de l'obtention de la science, les causes que tu auras pris pour obtenir et acquérir la science, Et en même temps, cela fait partie aussi des causes de la fermeté sur ce manhaj, du fait que tu restes ferme sur le manhaj salafi. Sur ce manhaj et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en particulier lors de An-Nawazil. An-Nawazil, ce sont ces grandes affaires, ces grandes épreuves qui arrivent à la communauté, à l'ensemble de la communauté musulmane. Le cheikh va nous dire que, en particulier lors de ces An-Nawazil, durant lesquels il nous est obligatoire de revenir vers les savants. Comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles, lorsqu'il leur parvient une nouvelle alarmante ou rassurante, ils la propagent. Et s'ils l'avaient rapporté à ceux qui détiennent le commandement parmi eux, et s'ils l'avaient rapporté aux prophètes ou aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi eux, s'il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement, et n'eussent été la grâce d'Allah sur eux et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. Et le shir de nous dire que dans ce verset, entre parenthèses, ce verset que vous trouverez expliqué dans un cours qui a passé, il y a à peu près deux ou trois cours de notre shir Adil Sayyid, Hafidahullah. Vous trouvez le cours donc sur le site Ahl al-Dhikr, un cours qui est très important, et l'explication de ce verset est quelque chose de très important. De bien comprendre ce verset, pour le salaf, il y a beaucoup de règles et d'enseignements est tenu dans l'explication de ce verset. Je vous conseille vraiment de revenir vers ces cours afin de bien comprendre ce verset qui est le verset numéro 82 de Surat al-Nisa, les femmes, la quatrième surat du Coran. Et dans l'ensemble des cours que nous avons fait, ou dans beaucoup des cours que nous avons fait cette année comme les années précédentes, nos mashayikhs évoquent ce cours et expliquent ce verset, parfois brièvement et parfois on en a fait donc le sujet ou le thème du cours, comme dans le cours qui a été dispensé cette année par notre cheikh Adil Sayyid. Revenez vers ce cours, c'est quelque chose de très important, et de bien comprendre ce verset, de bien profiter de des enseignements détenus dans ce verset est une chose très importante pour le salafi. Donc on referme la parenthèse. Le cheikh nous dit, après avoir cité ce verset, que ce verset, ou dans ce verset, il y a une explication, ou il y a l'explication d'une base très importante dans notre manhaj, et c'est le fait qu'il est obligatoire de revenir aux savants lors de An-Nawazil. An-Nawazil sont donc ces grandes affaires qui touchent la communauté, ces troubles, ces grandes affaires, ces grandes épreuves qui touchent la communauté. Le cheikh de nous dire, comme cela, il y a aussi un enseignement, un bénéfice qui a attrait au bon comportement, c'est le fait que il ne convient pas de s'empresser à donner al-fatwa, il ne convient pas non plus de s'empresser lorsqu'il nous vient une nouvelle, de s'empresser à la répondre et à la communiquer. Et ceci, nous le profitons, nous tirons ce bénéfice, nous voyons ce bénéfice, comme nous le dit le shir, dans le tafsir de l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala. Le cheikh de nous dire à vous, mes frères, je pense qu'il n'est pas étranger pour vous le bon nombre de troubles qui touchent les musulmans aujourd'hui. Ces troubles qui sont des troubles tant en rapport avec les ambiguïtés dans la religion, comme des troubles en rapport avec les passions. Et le cheikh, hafidhahullah, de nous dire, sachez qu'il est impératif pour le musulman, et en particulier les étudiants en sciences, de s'armer de la science profitable et de revenir dans cela au savon. Et sachez, ô vous mes frères, que celui qui sort dans ses paroles, qui sort de la parole des gens de science, c'est-à-dire qu'il va à l'encontre de la parole des gens de science, eh bien celui-là, c'est lui, le cheikh de nous dire que celui qui sort de la parole des gens de science au moment de An-Nawazil, eh bien c'est celui-là qui est considéré comme quelqu'un d'égaré et quelqu'un d'étrange. Quelqu'un qui est une exception. Le cheikh donc de nous dire ne sois pas trompé par ces personnes-là, malgré que ces personnes-là peuvent avoir beaucoup d'écrits, beaucoup de paroles qui sont répandues, beaucoup d'articles qui sont répandus sur Internet et autres, eh bien ne sois pas trompé par cela, car ce sont des gens qui ont été à l'encontre de ce manhaj, le manhaj al-salafi, lorsqu'il est sorti dans sa parole, de la parole des gens de science, qu'il était à l'encontre de la parole de nos savants. Et le cheikh de me dire, comme vous le savez, mes frères, la science n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'écrits, le fait d'avoir beaucoup de livres, le fait de rapporter beaucoup de choses. Mais plutôt, et le cheikh de nous dire parfois, donc nous voyons que ces gens-là ont beaucoup d'écrits, beaucoup de livres, ils font beaucoup de cours, même si dans ces derniers on ne trouve ni science, ni compréhension, ni rien du tout. Comme il nous le dit le cheikh, que certains parmi eux, certains parmi ces du'at, se vantent que, comme on l'a entendu, que dans peu de temps il va dire une parole que personne ne l'a précédé dans cela. Et il pense, cette pauvre personne, il pense que en disant cette parole, il est, donc cette parole c'est un éloge pour lui, lorsqu'il dit je vais dire bientôt une parole que personne, auquel personne m'a précédé, que personne n'a dit avant moi. Il pense être un éloge pour lui, il pense que c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui va l'élever. Alors que le pauvre, par cette parole, il a jugé, contre sa propre personne, il a jugé qu'il allait à l'encontre du manhaj salafi, qu'il allait à l'encontre des savants. Le cheikh de nous dire, hafidhahullah, vous mes frères, certains parmi les étudiants en sciences se nuisent à eux-mêmes lorsqu'ils font de leur propre personne, lorsqu'ils se rentrent dans tous les troubles, dans toutes les fitaines, lorsqu'ils se permettent de parler, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, ils doivent être là, ils doivent parler, ils doivent avoir un mot à dire. Ces troubles au niveau mondial, dans tous les pays, même dans des pays qui ne sont pas le leur, ils rentrent leur propre personne dans cela et ils se permettent de parler, d'avoir une parole dans ces troubles qui se trouvent dans leur pays, dans autre que leur pays, des troubles qui sont en rapport avec la science, avec les, aussi avec parfois les an-nawazil, parfois avec les choses qui ont attrait à la sécurité d'un pays, la sécurité des musulmans, etc. ils se permettent de parler, ces étudiants en sciences, dans des affaires qui, comme nous le dit le Shir, rendent celui ou ces troupes qui font que le nouveau-né a des cheveux blancs, qui donnent des cheveux blancs au nouveau-né, c'est-à-dire des choses qui sont très compliquées, qui ne convient pas à cela de se rentrer dedans, de rentrer leur nez dans ces affaires-là. Et le Shir de nous dire que ces personnes se rentrent dans cela, dans ces affaires-là, alors que nous avons des savants de notre communauté, wallillah alhamd, qui méritent plus de répondre à ces questions, de donner le fatwa, l'avis religieux dans ces affaires. Et c'est pour cela qu'il ne convient pas de devancer les savants. Et il nous convient à nous de s'éduquer avec ce fondement qui est traité dans ce cours, le fait de revenir aux gens de science, aux savants, et en particulier dans Al-Nawazil. Ce fondement de notre manhaj qui est traité aujourd'hui dans ce cours. Et comme cela, le Cheikh nous dit que l'étudiant en science a besoin de voyager auprès des savants et de prendre la science de ces derniers, ainsi d'apprendre le comportement et d'apprendre la patience auprès de eux. Et s'il ne peut pas faire cela, eh bien la moindre des choses, c'est qu'ils lisent leurs explications, qu'ils lisent leurs livres, qu'ils prennent leurs cassettes et qu'ils les écoutent, et qu'ils vivent avec cela. Ils vivent avec les livres des savants, qu'ils vivent avec leurs cassettes, qu'ils vivent avec les cours enregistrés. Le Cheikh nous dit de nous dire que, alhamdoulilah, ces cassettes sont répandues sur Internet, on les trouve, c'est quelque chose qui est à portée de tout le monde. Le Cheikh nous dit, vous mes frères, peut-être que vous savez, ou vous connaissez certains individus qui se mettent en avant pour faire le prêche, pour faire l'appel à Allah, tabaraka wa ta'ala, sur certains sites, parfois, même Internet. Le Cheikh nous met en garde contre ces gens-là qui font cela, qui ne sont pas aptes à le faire. Car, pour certaines raisons, comme le fait que ce dernier n'aura peut-être pas patienté auprès des gens de science, n'aura pas patienté dans l'apprentissage de la science, c'est-à-dire qu'il n'aura pas étudié la science religieuse, qu'il n'aura même pas fait patienter, qu'il n'aura pas patienté, mais ne serait-ce qu'une seule heure dans l'étude de la science auprès des mashayikhs. Et le Cheikh vient de dire, sachez, pour vous mes frères, que le fait de revenir vers les gens de science est un fondement très important parmi les fondements de la religion, et qu'il est impératif de l'appliquer et de faire patienter nos propres personnes comme de faire patienter les autres sur ce fondement, et de les éduquer sur ce fondement, et de faire patienter ceux qui écoutent de nous le conseil. Et le Cheikh doit nous dire que parmi ce que les savants ont évoqué dans la porte du conseil pour les savants, il y a le fait, comment conseilles-tu les savants? Comment peux-tu faire ce conseil qui a été rappelé dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit que la religion c'est le conseil? Et parmi ceux-là, quand ils lui ont demandé pour qui le conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour Allah, pour son livre, pour son prophète, pour l'ensemble pour les imams de cette communauté ainsi que l'ensemble des gens. Le Cheikh de nous dire que le conseil pour les savants, dans cela, les savants ont évoqué quel était-il le conseil pour les savants? C'est le fait de répandre leur science entre les gens, auprès des gens de la masse, de les faire aimer ces derniers, ces savants, de leur faire aimer ces derniers qui sont les héritiers des prophètes et qui portent l'héritage prophétique. C'est le fait aussi de d'éclaircir des ambiguïtés autour de ces derniers, de les défendre lorsqu'ils sont touchés, lorsqu'on leur nuit. C'est aussi de les aider à éclaircir la vérité, le fait de répondre leurs livres auprès des gens en fonction de ce qui est possible pour nous. Comme cela, de défendre leur honneur. Et le shir doit dire que parfois, certaines personnes qui font partie des gens qui aiment ces savants, qui sont dans leur entourage, eh bien cela leur nuise, même s'ils ne le veulent pas. Car ils se comportent d'une certaine manière, et ils causent, par ces comportements, des troubles et des nuisances à l'encontre de ces savants. Car une fois qu'il fait partie de son entourage, au moment où il parle en son nom. Ou en tout cas, c'est ce qui est compris des gens, que lorsqu'il parle, il parle en son nom, au nom de ce savant. Et comme cela, il lui cause des nuisances et des problèmes. Le shir doit nous dire, sachez, mes frères, que Allah vous accorde le succès, que ce n'est pas toute personne qui sera connue auprès des gens et qui se sera mis en avant pour faire le prêche que nous. Ce n'est pas toute personne qui est mise en avant et qui est connue que nous pouvons appeler savant. Et comme cela, le shir nous rapporte la parole d'Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles, nous avons été éprouvés par certaines personnes qui pensent que qui pensent d'eux ceux qui se sont permis de donner des paroles dans telle et telle affaire, d'avoir une parole dans telle et telle affaire, parmi les ceux de son époque, qu'ils sont plus savants que ceux qui sont passés, que les imams qui sont passés, que les savants qui sont venus avant lui. Et le shir de dire que ceci est à l'époque de Ibn Rajab. Et comment en serait-il à notre époque? Et dans une autre parole de ce dernier, Ibn Rajab, rahimahullah, où il dit que certaines personnes, parmi ceux de son époque à lui, ont été troublées par cela, par le fait que celui qui parle beaucoup, qui a une parole dans toute chose, et qui se dispute à propos de tous les sujets, eh bien celui-là fait partie des gens les plus savants, jusqu'à les élever au rang de personnes qui sont plus savants que les savants qui sont passés, qui sont venus dans le passé, à l'époque de Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Et le shir doit nous dire, c'est pour cela, vous mes frères, qu'il nous est obligatoire de connaître le rang des savants et leurs bienfaits sur nous. Et comme cela, vous savez que il y a beaucoup de gens qui étaient malades, malades dans leur cœur, malades de maladies qui ont attrait aux ambiguïtés et aux passions, et qui ont été guéris par le fait, par la cause, qu'ils sont revenus vers les savants et qu'ils sont entrés en contact avec eux et qu'ils sont restés dans leur entourage. Et le shir doit nous dire qu'à l'inverse de cela, il y a certaines personnes qui faisaient partie des gens de la sunna qui sont tombées malades. Encore une fois, c'est les maladies qui évoluent ici, c'est la maladie des passions et la maladie des ambiguïtés. Ils sont tombés malades car ils se sont écartés des savants, ils ne sont pas revenus vers eux. Et le shir de nous mettre en avant la sagesse et la douceur de nos savants lorsque nous voyons ces gens qui étaient atteints de ces maladies, qui lorsqu'ils se sont mélangés aux savants et lorsqu'ils sont revenus vers eux, eh bien, elles ont été guéries par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le cheikh de nous mettre en avant la douceur et la sagesse de ces derniers. Et le cheikh de nous dire que, comme cela, il y a certaines personnes qui, eux, ne sont pas dotées de cette douceur, la douceur qui a été octroyée aux savants, et qui, lorsqu'une personne, parmi les gens de la sunna, faiblit dans son manhaj, eh bien ces derniers s'empressent de les enterrer. Ils s'empressent de les enterrer, pas de les guérir. Et le shir de nous donner le conseil d'être doux avec nos frères, d'être patient avec eux, comme le sont nos savants. Et le shir de terminer en nous disant que vous, mes frères, vous savez ce que nos savants, comme Shir ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymin, Rahimahumullah, comme cela, Ubayd al-Jabiri, Rabi ibn Hadi, Al-Fawzan, et autres que cela, Hafidahumullah, combien étaient-ils patients avec ceux qui les contredisaient, comme cela, vous savez, l'amour qu'ils ont pour cette communauté, combien ils se caractérisent par de grandes qualités, comme la générosité, la patience, le fait d'avoir toujours un visage accueillant, et cela donc on parle de cela dans leurs caractéristiques, dans ces caractéristiques-là, autres, en dehors du fait de parler de leur science et de leur patience dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shir donc de finir en nous disant qu'il nous convient donc de nous éduquer sur cela, de prendre de leur science comme de leur comportement. Et le shir s'est arrêté sur cela. Hafidahullahu ta'ala wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.